toi est une journée perdue. Tes yeux verts me fascinent et ta beauté me tue, Apolline. Une journée sans toi est une journée perdue. Je voudrais dire je t'aime, mais je n'y arrive plus, Apolline. Une journée sans toi est une journée perdue. Il y a encore à Metz des rencontres inattendues, Apolline. Une journée sans toi est une journée perdue. Je dois aller travailler, non, ne sois pas déçu, Apolline. Une journée sans toi est une journée perdue. Une journée sans toi est une journée perdue. Une journée sans toi est une journée perdue.